Parce que les âmes veulent pas mourir, parce que moi si. Parce que le jour, je n'en veux plus. Parce que la nuit, je n'en veux plus. Parce que tes lèvres, je ne les ai plus. Parce que plus rien. Parce que les nuages me font peur, qu'ils m'attendent dehors. Parce que je sais la douleur, je n'en veux plus. Parce que mon cœur est fou et brûle en enfer. Parce que mon cœur est fou. Parce que tes sourires, je ne les ai plus. Parce que plus rien. Parce que la pluie tombe encore et que rien ne l'arrête, elle ne s'arrêtera pas. We'll be right back.